Lyon-Montpellier, ce soir à 19h, en match décalé de la troisième journée de Ligue 1 de football. Les Lyonnais sont actuellement deuxièmes du championnat et peuvent, en cas de victoire, s'emparer de la tête du classement ex aequo avec Rennes.